Nous avons beau être mercredi, c'est le deuxième temps de notre série sur l'histoire des sans-noms et des inconnus des archives, car hier nous n'avons pas pu diffuser, pour cause de grève, le documentaire prévu sur le travail en archives de l'historienne Arlette Farge, que nous vous proposerons dans quelques semaines dans la Fabrique de l'Histoire. Après avoir fait dialoguer lundi l'écrivain Éric Vuillard et l'historien Michel Biard sur les anonymes de la Révolution française, nous vous proposons ce matin de réfléchir à un cas un peu particulier, celui des esclaves. Que sait-on de leur identité avant leur déportation sur l'Atlantique? Comment les historiennes et les historiens peuvent-ils et elles utiliser les traces archivistiques de leur vie quotidienne pour leur redonner un visage et une voix? C'est ce que nous verrons grâce au texte lu par Daniel Königsberg en ce mercredi, jour des archives dans la Fabrique de l'Histoire, avec Séverine Yattard qui a préparé cette semaine avec nous, avec Caroline Oudamastide, elle est historienne de l'esclavage et auteur récent aux presses universitaires de Rouen et du Havre de Maître accusé, esclave accusateur, le procès Gosset et Vivier, Martinique 1848. Et sera également avec nous Bruno Maillard, il est docteur en histoire, chercheur associé à l'université de La Réunion, membre du comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage et co-auteur avec Frédéric Réjean et Gilda Confier chez Fayard Histoire de Libre et Sans Faire, parole d'esclaves français. À Luanda, on emmenait les prisonniers dans l'une des six églises où on les rassemblait sur la place centrale. Le catéchiste officiel, esclave qui parlait par exemple le Kibundu, la langue de Luanda, expliquer aux esclaves la nature de leur transformation chrétienne. Puis un prêtre circulait dans les rangs effrayés, attribuant chacun un prénom, auparavant écrit sur un bout de papier. Il déposait du sel sur la langue des malheureux qu'il faisait suivre d'eau bénite. Enfin, il déclarait, via un interprète, « Considérez que vous êtes désormais des enfants du Christ. Vous allez partir en territoire portugais, où vous apprendrez les choses de la foi. » Ne pensez plus jamais à votre lieu de naissance, ne mangez ni chien, ni rat, ni chevaux. Soyez contents. Un extrait du gros livre bouquin chez Robert Laffont de Hugh Thomas, La traite des Noirs 1440-1870, qui évoque donc le baptême avant de traverser l'Atlantique de certains de ces esclaves qui vont donc devenir des esclaves dans des colonies portugaises et que l'on baptise donc juste avant de passer sur le bateau. Bonjour à vous, Séverine Yattard. Bonjour, Caroline Oudamastide. Bonjour. Et bonjour à vous, Bruno Maillard. Bonjour. Que peut-on dire, que sait-on d'ailleurs de l'identité? On sait bien que les généalogistes qui travaillent avec l'ADN maintenant aux États-Unis proposent de remonter aux origines africaines de beaucoup de ceux qui vivent sur le continent américain aujourd'hui. Mais que sait-on justement de l'identité de ceux qui vont changer de nom la plupart du temps pour traverser l'Atlantique et travailler dans les plantations américaines et de leur vie avant? Est-ce qu'on sait des choses ou est-ce qu'on ne sait rien quand on est historien sur ces questions-là, ou peu de choses? Ben, ce qui est intéressant tout d'abord sur cette source, hein, c'est le premier processus de déshumanisation de ces hommes qui ne sont pas encore des esclaves. A priori, là, c'est un port... C'est à Luanda, c'est voilà, en Angola. De la côte angolaise. L'Angola n'existant pas à cette époque, il y a plusieurs royaumes qui s'affrontent et qui participent à la traite négrière. Et on le voit puisque cette volonté d'évangélisation, entre guillemets, sur des hommes et des femmes qui ont une culture, une religion, des pratiques moins sociales diverses et variées, eh bien, on va commencer par les désocialiser. C'est-à-dire, on leur annonce, d'ailleurs, il leur dit, c'est une nouvelle moins naissance moins pour vous, vous n'êtes plus rien, et désormais, vous allez devenir moins des choses et des propriétés à des colons qui vous achèteront lorsque vous arriverez au Brésil. Oui, sur cette question, justement, des noms de baptême, de la capacité que certains ont eu à garder une identité même nominale, un nom, en passant d'un espace à un autre. Est-ce qu'on en sait quelque chose, Caroline Oudamastide? En fait, on sait quand même assez peu de choses, puisque effectivement, une nouvelle identité est donnée. Il faut quand même dire que ce baptême qui est donné en Afrique n'est pas reconnu par la plupart des ordres qui évangélisent aux Antilles. Et donc, ils considèrent qu'il faut catéchiser ceux qui arrivent avant de les baptiser. Et d'ailleurs, il va y avoir assez curieusement une lutte entre les maîtres et certains ordres religieux, parce que les maîtres veulent qu'ils soient baptisés tout de suite. Dans la mesure où il va se créer avec la créolisation des esclaves, c'est-à-dire ceux qui naissent aux Antilles, une espèce de fracture entre ceux qui arrivent et ceux qui sont déjà chrétiens. Et ceux qui arrivent et qui ne sont pas baptisés vont subir pour certains une certaine discrimination. Souvent, il y a des insultes, ils sont traités de chiens, etc. Et le baptême apparaît pour les maîtres comme une sorte de rituel. Pour redonner de l'unité. Oui, pour redonner de l'unité à l'atelier. Ce qui ne veut pas dire, comme le dit Bruno, une catéchisation. Hein. Justement, eux ne sont pas pour catéchiser. Alors pourquoi ils ne sont pas justement pour catéchiser, Bruno Maillard, les planteurs? Les sources nous montrent que dans l'ensemble, les maîtres ils sont plutôt opposés pour de nombreuses raisons. D'une part, les maîtres n'aiment pas voir venir des entités extérieures sur leur habitation. Mmh. C'est ce que on en parlera, mais ouais. Effectivement, toute personne qui, d'une certaine façon, peut séparer la liaison très, très étroite que le maître veut entretenir avec l'esclave, effectivement, est vue comme quelque chose qui perturbe l'ordre. C'est un des axes de l'esclavage. Je parlais de la désocialisation, mais il y a aussi la fameuse décivilisation. C'est-à-dire que le maître doit être le seul intermédiaire entre ses esclaves et une entité extérieure. D'ailleurs, il faudra attendre 1840, c'est important de le préciser, pour que des magistrats du parquet dans les colonies françaises puissent pénétrer sur les habitations. C'est-à-dire qu'avant cette date, sans l'autorisation du maître, même le gouverneur ne pénètre pas sur une habitation du maître. C'est un état dans l'état. Et donc les maîtres y sont opposés, d'une part parce qu'il y a un certain nombre de congrégations qui pourraient avoir des tendances abolitionnistes et ils s'en méfient. Les lazaristes, par exemple, quittent l'île de la Réunion en 1800. Ils disent ils ne peuvent pas travailler avec les maîtres. Ils ne peuvent pas, ils sont opposés à l'évangélisation. D'autre part, il y a un discours, effectivement, dans la Bible, dans le Nouveau Testament, qui peut être, effectivement, un discours qui peut sensibiliser les esclaves à une recherche de la liberté qui est inévitable, bien évidemment, inévitable. Oui, Caroline Dabastide, une des difficultés, peut-être, de l'historienne ou de l'historien qui travaille sur cet esclavage, c'est de redonner, comme je disais, un visage et un nom à ce qui est souvent pensé en masse. Alors, c'est comment permettre de pénétrer justement ces masses. C'est ce que l'on posait comme question à nos invités de lundi à propos des foules de la Révolution française. Mais c'est vrai qu'on a plutôt en tête cette gravure, d'ailleurs, que l'on retrouve au musée d'Aubray, par exemple, à Nantes, de ce navire négrier, décrit en coupe, où on voit dans la cale du navire des dizaines, voire des centaines d'esclaves noirs qui sont posé côte à côte dans le navire négrier et aucune de ces figures n'a de nom, en l'occurrence, pour l'historienne ou pour l'historien Caroline Dabastide. Alors le nom va réapparaître en fait à travers des prénoms qui sont ceux des esclaves, puisque l'esclave n'a pas de nom de famille. Les esclaves vont quand même s'individualiser devant l'historien, si on peut dire, à travers notamment des procès. Oui. À travers des procès d'esclaves, d'une part, où malheureusement, pour les Antilles, on a très très peu des témoignages des esclaves, mais à travers des jugements, à travers des documents traitant de ces problèmes-là. Je les ai étudiés, par exemple, sur les questions des empoisonnements et maléfices dont les esclaves sont souvent accusés. On voit apparaître des figures, on voit quand même décrire des situations, des gens qui sont dans des situations particulières, ou alors à travers les procès des maîtres. plus tard. Il y a peu d'autobiographies, elles sont très tardives. Les premières autobiographies dont on peut disposer datent de la deuxième moitié du XVIIIe siècle environ. Et sont aux États-Unis en plus. Aux États-Unis. Alors, États-Unis et colonies anglaises. Alors, il y en a aussi pour les territoires espagnols, par exemple pour Cuba. Mais effectivement, c'est quelque chose que les historiens n'ont pas encore trouvé en France. Il en existe peut-être. Il y a encore des pans d'archives à dépouiller. Et peut-être que l'on pourra trouver un jour une autobiographie, un témoignage d'un esclave. Caroline Souris, et c'est vrai parce qu'on a fait régulièrement les archives nationales d'outre-mer d'Aix-en-Provence. Je suis allé aux archives départementales de la Guadeloupe, de la Martinique. Mais par exemple, je vous prends le cas de l'île de la Réunion. Il y a une série BL. C'est une série de près de 300 cartons qui n'ont pas encore été ouverts. Donc ils sont pas encore. 300 cartons, c'est pas mal pour un historien. Oui, ils sont pas mal. Dans lequel il y a encore des archives sur l'esclavage. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a un certain nombre de documents qui ont été spoliés par les colons eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a des archives moins privées qui sont préservées, que ce soit aux Antilles ou à La Réunion, et des familles qui ne veulent pas encore rendre ces archives. Et peut-être qu'un jour, ces archives seront moins rendues et on pourra trouver ce genre de documents. Tous les cas, à travers ces archives, transparaît alors des noms, des individus, mais aussi des vies collectives. Et c'est ça qui est passionnant, c'est que vous arrivez à travailler sur les métiers des esclaves, la question de la famille, la question des sensibilités, évidemment des violences à leur encontre, toutes ces problématiques qu'auparavant, on n'arrivait pas vraiment à cerner finalement, du fait qu'on n'avait pas ces archives où justement les esclaves témoignent de leur vie quotidienne aussi. C'est pas qu'on les avait pas. On les exploitait pas. C'était le regard de l'historienne et l'historien. Le regard de l'historien, je pense, était différent. Et effectivement, là, nous sommes dans un moment où nous nous intéressons beaucoup à cela. Et il s'est trouvé, d'ailleurs, qu'en même temps, plusieurs ouvrages ont paru sur des témoignages d'esclaves. Parce qu'effectivement, je pense, c'est une préoccupation actuelle d'essayer de retrouver la parole de ceux qui, jusqu'à maintenant, ont été inaudibles. Bruno Maillard. Oui, en fait, ces sources, il faut plus les voir, puisque les interrogatoires d'esclaves accusés ou les dépositions d'esclaves témoins, on peut intégrer ces sources dans ce qu'on appelle les récits d'esclaves, que ce soit les autobiographies, les lettres qu'ils ont pu écrire. Il y en a plein d'autres. Par exemple, il y a des historiens américains qui travaillent sur des dépositions d'esclaves fugitifs dans l'océan Indien pendant le 19e siècle, où la traite était interdite. Et ces esclaves fuyaient des territoires où il y avait de la traite et l'esclavage et étaient recueillis par des officiers de la Royal Navy et ont laissé un certain nombre de paroles et de propos. Ces sources, il faut plus les voir comme des sources essentielles, mais que l'on va devoir de toute façon conjuguer à d'autres sources. L'historien ne peut pas construire une histoire avec un grand H, approchant la vérité, l'authenticité, qu'avec ses seules sources. Il faut forcément les analyser avec la méthodologie et les confronter à d'autres sources. Alors voilà une source que vous avez retrouvée, analysée, Caroline Houdin-Bastide, donc dans le livre que vous avez publié aux presses universitaires de Rouen et du Havre en 2015, qui s'intitule « Maître accusé, esclave accusateur », un des deux procès, le procès Gosset et le procès Vivier, que vous analysez, un extrait lu par Daniel Königsberg. Qu'est-il arrivé à Modeste ? Ce petit garçon mangeait de la cendre. Pour le punir, monsieur lui a fait jeter des excréments à la figure. J'ai entendu donner l'ordre à Charles et je l'ai vu exécuter. Vous avez dit qu'un samedi, vous avez vu encore autre chose. Je l'ai vu, sur l'ordre de madame, boire dans un pot de chambre. J'ai vu encore le jeune Modeste tout barbouillé de caca coq d'Inde et qui allait faire une commission. Après, j'ai vu aussi monsieur lui faire manger des ordures de chien et de volaille. Cependant, Modeste lui-même dit qu'il n'en a pas mangé. Il en a mangé. Je l'ai vu. En grande quantité ? Non, pas beaucoup. Comment lui présentait-on ces ordures ? Sur une palette de bois, en le menaçant de la cravache. C'est Charles qui avait mêlé le tout avec de la cendre. Alors, il faut peut-être redonner le contexte de ce témoignage, cet interrogatoire. Donc, dans votre livre « Maître accusé, esclave accusateur », ce sont deux procès, le procès Gosset et Vivier qui se tiennent à la Martinique. In extremis, pourrait-on dire. Enfin, on ne sait pas encore, on ne connaît pas la fin de l'histoire à l'époque. On ne sait pas qu'il y aura la révolution de 1848 et donc l'abolition de l'esclavage. Mais disons qu'il y a dans le ciel beaucoup de choses qui commencent à se tresser ou se tisser autour de cette question à nouveau dans le ciel des Antilles. Et donc, on a cet interrogatoire donc à propos du jeune Modeste. Alors, Modeste, en fait, est l'esclave de... C'est un petit garçon qui est l'esclave de Vivier, qui est un maître, qui est un petit planteur, qui a une trentaine d'esclaves sous ses ordres, dont un certain nombre ne lui appartiennent pas. Ils sont loués. Et d'ailleurs, de toute façon, l'habitation elle-même, il l'a en indivision avec son frère. Donc, c'est un petit propriétaire qui se montre d'une violence extrême envers ses esclaves, qui d'ailleurs sont extrêmement rebelles, comme beaucoup d'esclaves d'ailleurs en cette fin de période esclavagiste, où les ateliers sont extrêmement troublés, pour reprendre le vocabulaire de l'époque. Et j'ai choisi ce témoignage parce que, bon, on peut dans ce procès voir des exemples de violence physique extrême. Mise au cachot, esclaves, de fouet, enfin, c'est vrai que c'est la violence. Mise à la chaîne et qui vont être suivies de la mort des esclaves. J'ai cependant choisi ce témoignage parce qu'il met en lumière un aspect sur lequel on n'insiste peut-être pas toujours assez, qui est la violence psychologique, on peut dire. Il s'agit là d'une violence, la violence n'est pas que physique, elle vise très très souvent à humilier l'esclave, à faire qu'il soit honteux de sa situation. Et là, on le voit très bien, et dans d'autres procès aussi, à travers justement l'utilisation des excréments, du crachat que l'on fait boire ou manger à des esclaves. Alors, il faut dire que vous avez trouvé tout cela dans les archives, et en particulier grâce au Courrier de la Martinique, journal créé et défendant les planteurs, créé en 1832, qui relate ce procès par le menu. Et ce procès, tout compte fait, alors que ce journal défend les planteurs, montre aussi une sorte de trouble, pourrait-on dire, qui précède de l'abolition de 1848, dans l'année qui précède, à partir de 1847, eh bien, on voit que le journal commence à trembler sur ses bases. Pour un procès, le procès Gosset, il est assez ferme sur ses bases, mais pour ce procès Vivier, il dit qu'il y a quand même des planteurs qui vont trop loin, Caroline Houdin-Bastide. Oui, alors... les planteurs les plus éclairés, et je mets des guillemets, de la Martinique, se rendent compte, puisque ces procès ont lieu à la Martinique, se rendent compte que l'ordre esclavagiste est complètement mis en cause et que l'abolition de l'esclavage arrive. Et que donc les extés peuvent donner des arguments aux opposants de l'esclavage. Ben c'est évident, c'est pas qu'ils peuvent, c'est qu'ils donnent. Les procès sont énormément utilisés par les abolitionnistes à cette époque-là. Depuis 1928, il y a eu une réforme du système judiciaire très limitée, mais qui a quand même amené l'arrivée d'un certain nombre de juges métropolitains, dont certains vont servir de relais à défaut de pouvoir vraiment faire une justice réelle, ils vont servir de relais aux abolitionnistes, leur envoyer beaucoup d'informations, et les abolitionnistes vont se servir énormément de ces sévices, de cette situation extrême. Effectivement... Avec l'idée, d'une certaine façon, que l'on pourrait peut-être sauver ce qui est sauvable, l'institution de l'esclavage, si... on disciplinait les maîtres d'une certaine façon, et si on faisait en sorte qu'ils soient plus, entre guillemets, plus humains dans leur application des règles de l'esclavage. C'est d'ailleurs ce que les lois votées sous Louis-Philippe tentent de vouloir instituer en évoquant l'idée qu'il faudrait dans ces procès, par exemple, qu'il n'y ait pas de gens qui soient trop liés justement à ce milieu de l'esclavage, en faisant venir des juges et des magistrats de la métropole, en leur interdisant de se marier avec des créoles, etc., etc., pour justement faire en sorte que, eh bien, il y ait le moins d'excès possible et le moins de bruit possible autour de l'esclavage. Je pense qu'effectivement, et notamment la Martinique où les planteurs ont quand même été très très jusqu'au dernier moment, ils ont été contre l'abolition, ils n'ont pas compris que le sens de l'histoire là les dépassait. Donc eux, ils ont certains espèrent effectivement que avec un système moins dur, il y aura peut-être maintien. Bruno Maillard. Il faut quand même préciser que l'école noire, quand on dit école noire, c'est l'édit de mars 1685 pour les Antilles ou l'édit de décembre 1723 pour les Mascareignes, donc l'île de la Réunion et l'île Maurice, précise bien que les maîtres sont limités dans la discipline main domestique. Par exemple, ça, c'est ce qui est dit dans l'école noire. Non, mais c'est important. D'ailleurs, les seules possibilités, c'est d'ailleurs précisé, c'est de les battre de verge ou de les enchaîner. C'est les deux seules sanctions. Bon, bien entendu, le texte n'a jamais été moins respecté. Ce qui change les choses, et même s'il y a une réglementation locale qui s'impose dans toutes les îles, par exemple, les fameux 30 coups de fouet qui s'imposent un petit peu partout, ce qui change un peu la donne, c'est évidemment ce que Caroline disait, ce sont les réformes judiciaires de 1827 pour la Réunion et 1828 pour les Antilles, où la réforme du code pénal et du code de procédure pénale va permettre désormais aux esclaves de pouvoir témoigner contre leur maître. Et c'est là, effectivement, c'est pour ça que dans les années 1830-1840, on a une masse de procès importantes qui peuvent amener, même s'ils se terminent souvent par des non-lieux, effectivement. Parce qu'il faut dire que les maîtres ne craignent pas forcément. Non, ils ne craignent pas, parce que même s'il y a des magistrats métropolitains qui viennent dans ces îles, les cours d'assises sont spécifiques. Vous avez trois magistrats et quatre assesseurs colons qui sont les plus riches. Et de fait, ils sont majoritairement planteurs et propriétaires en esclaves. Mais ça les inquiète quand même, c'est la publicité qui est faite autour. Parce qu'il y a des journaux moins locaux, puisque faut s'imaginer qu'à l'époque, les affaires moins judiciaires, comme aujourd'hui d'ailleurs, éveillent les émotions et les sensibilités les plus fortes. La Gazette des Tribunaux en métropole, c'est un hebdomadaire, un grand succès. Eh bien, c'est pareil dans ces îles. Et ces affaires judiciaires sont relayées par les abolitionnistes en France. La Revue des Colonies, par exemple, de Cyril Bisset. Et ces affaires, bien sûr, vont montrer un petit peu ce que sont les excès du système esclavagiste. Et surtout, vont faire émerger la parole de ses esclaves. Mais en revanche, l'esclave qui témoigne, lui, c'est assez risqué pour lui, même si dans le droit, comme vous dites, il y est autorisé. Alors, il y avait aussi une possibilité, ça, ce sont les dernières lois Maco de 1845, c'est que l'esclave, s'il a été soumis à une discipline domestique trop violente, pouvait être confisqué par la puissance main publique et revendu. C'était cette possibilité. Échapper Mais à ce qui est intéressant, puisque là je viens de terminer un article sur la relation entre esclaves et jugement d'instruction sous la Restauration et la Monarchie de Juillet, puisque à l'île de la Réunion on a des sources extrêmement riches, la série U, qui est la série main judiciaire extrêmement riche, on s'aperçoit que les esclaves, au bout du compte, lorsqu'ils sont face au juge, ils n'hésitent pas à parler. Ils n'hésitent pas à parler et ils prennent des risques, et ça c'est vrai que c'est quelque chose d'important dans ces sources, c'est qu'ils sont prêts à collaborer avec le système judiciaire, même s'il leur garantit pas forcément la protection, parce qu'ils considèrent que parfois certains abus commis par leur maître doivent être impérativement dénoncés et jugés. Un extrait d'un document trouvé dans le livre « Voix d'esclaves antilles, Guyane et Louisiane françaises, 18e-19e siècle » paru chez Cartala en 2015, sous la direction de Dominique Rogers. Nous sommes le 18 janvier 1844. Louise témoigne devant un commissaire de police contre sa maîtresse, la demoiselle Machère, qui appartient à la classe de la population de couleur. Âgée de 40 ans, celle-ci exploite aux abords de Pointe-à-Pitre une chauffournerie où travaillent 40 esclaves et vit avec le sieur Marfin. Hier matin, avant le jour, ma maîtresse, ne voyant pas arriver ses canots, est allée à leur recherche. Son absence fut très courte et à son retour, elle prétendit que j'avais été la remplacer auprès de Monsieur Marfin, qu'elle m'avait vue par la porte de derrière de la maison principale, tandis que je n'étais pas sorti de la cuisine où j'étais occupé à faire le café. Je venais d'entrer dans la case de ma mère, lorsque la demoiselle Macher, qui déjà m'avait querellé et maltraité plusieurs fois pour M. Marfin, vint m'arracher de cet asile. C'est alors qu'elle commença à me donner des coups de poing, de pied et d'un paquet de clés qu'elle avait à la main malgré toutes mes dénégations et celles de M. Marfin, avec lequel elle m'a confronté et qui a déclaré que si les coups me faisaient dire que c'était vrai, je mentirais. Après le départ de M. Marfin, et nonobstant les preuves que je voulais fournir de mon innocence par Victor et Marianne, qui ne m'ont pas perdu de vue dans la cuisine, elle m'a fait amarrer à plat ventre par Jean et Saint-Jean et m'a frappé d'un grand nombre de coups de rigoise sur les épaules et sur les fesses, disant qu'elle voulait me tuer. Après qu'elle s'est ainsi lassée, comme je n'avais plus la force de crier, elle m'a fait détacher et conduire dans sa chambre. Là, derrière son lit, elle a commandé qu'on perçât un trou pour me mettre au fer et a appelé sans nom pour me tenir les jambes écartées et fourrer ses mains dans mes parties génitales. Jean est venu tout seul et comme il est vieux, je l'ai repoussé, je me suis sauvé. Je me suis tenu caché jusqu'à la nuit et j'ai profité d'une occasion qui s'est présentée pour me rendre en ville. France Culture, La Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin. 9h32 sur France Culture, vous écoutez La Fabrique de l'Histoire consacrée cette semaine à la question des anonymes, des sans-noms et des inconnus des archives. Et aujourd'hui, nous parlons des esclaves et de leurs paroles, de leurs voix que l'on peut retrouver dans les archives. Séverine Attard. Oui, dans ce témoignage, Caroline de Bastide. Alors, on sait que le Conseil fait suite à la demande formulée par le procureur et ordonne justement que Louisa soit rachetée par l'administration suite à ses sévices, mais en tous les cas, à travers ce texte, c'est toutes les problématiques qui concernent donc la jalousie, la convoitise entre une esclave et la femme du planteur, et puis l'existence effectivement de relations entre une esclave, par exemple, c'est surtout les femmes hein, généralement, et les hommes blancs, les liens qui peuvent être tissés, voilà, dans la plantation, dans l'habitation. Oui, alors à côté de l'exploitation économique, il existe de fait une exploitation sexuelle des femmes qui sont considérées comme une espèce la masse des esclaves est considérée comme une espèce de marché, parfois c'est dit, dans lequel le blanc vient faire son marché, quoi, ses courses. Ce qui ne veut pas dire que toutes les femmes esclaves sont soumises à cela, d'une part parce que certaines sont plus rebelles que d'autres, mais un grand nombre de femmes sont de fait exploitées sexuellement, contre éventuellement des avantages, des rétributions, mais elles n'ont pas forcément réellement le choix. Et là, dans ce cas-là, on voit que c'est un double effet, c'est-à-dire que d'une part, il y a ce problème de l'exploitation sexuelle, là on ne sait pas très bien hein, si c'est parce qu'elle dit qu'elle n'a pas de relation avec l'amant de sa maîtresse, mais on n'en sait rien réellement. Mais il va s'en suivre aussi une violence particulière que ces femmes peuvent subir de la part de leur maîtresse, de la part qui va les frapper, et là en disant violer, qu'on veut et qu'on veut la tuer en l'occurrence. Oui, et puis elle subit un viol de fait, manuel. Enfin, elle subit un viol de la part de sa maîtresse par jalousie. Et donc c'est une double violence que la femme ici va subir. Oui, c'est peut-être une des grandes difficultés que l'on a et que vous avez moins que nous d'une certaine façon en fréquentant les archives que de se représenter justement cette violence quotidienne sur les corps en particulier. Que le film 12 Years a Slave a mis en avant d'une certaine façon et a eu cette vertu de nous montrer ce que pouvait être effectivement cette violence des représailles du maître sur ses esclaves. Et c'est ce que nous voyons dans ce document, Bruno Maillard. Oui, en fait, il faut jamais oublier que ces sociétés coloniales esclavagistes sont des sociétés de violence. Hein, les coercitions de toutes sortes, physiques, morales et psychologiques, sont présentes à tout moment. Et où les limites dont vous parliez tout à l'heure, qui sont théoriquement les limites marquées par les codes, et en particulier les codes noirs, sont tout de même très régulièrement transgressées. Très, très régulièrement, en sachant que, en plus, les maîtres ont développé d'autres systèmes, on va dire, de répression, comme par exemple ce qu'on appelle le bloc ou la prison. Sur de nombreuses habitations, des maîtres possèdent des cachots et des prisons, dans lesquelles ils enferment leurs esclaves, puisqu'ils ont compris très tôt que le fouet ou les chaînes, c'était pas suffisant. Et que les quelques bribes de liberté, j'y mets des guillemets, que les esclaves possède encore, c'est-à-dire le soir ou le dimanche ou lors des jours chômés, eh bien, on pouvait aussi s'en emparer. Et ils se sont aperçus que des fois, eh bien, d'enfermer un esclave, le soir, parce que dans la journée, il faut quand même qu'il travaille, ou le dimanche, eh bien, c'était une vraie peine pour lui. Ces archives, comme je disais, effectivement, il faut prendre du recul avec, puisque ce sont des archives judiciaires qui traitent d'infractions graves. Comme ici, crime ou délit. Et effectivement, ce qu'elle nous renvoie au début, c'est beaucoup d'affect et d'émotion. Hein, c'est le rôle de l'historien de dépasser cela. Je pourrais vous dire que on pourrait aller dans les archives judiciaires, françaises à la même époque, et dans certains ateliers, dans certaines manufactures en France, il y a des violences qui sont commises sur les ouvriers, peut-être pas aussi si rigoureuses, mais qui pourraient nous renvoyer à des choses aussi dures. Ce qui est intéressant de revenir dans ces archives, c'est déjà qu'on sort déjà là, à travers cet archive du stéréotype de l'esclave. On n'a pas affaire à un homme bossal, c'est-à-dire qui est issu de traite, noir de pioche, qui travaille dans un champ de canne. Et on voit déjà à travers cet archive toute la diversité du monde des esclaves. Je dis bien du monde des esclaves, on ne parle pas que de l'esclavage. C'est une femme qui travaille en ville, dans une chauffournerie, c'est-à-dire qu'elle va avoir une spécialité différente des uns, et déjà des relations différentes qui se nouent entre les esclaves qui travaillent sur les habitations dans les campagnes et ceux qui travaillent dans les villes. C'est les esclaves à talent, ce qu'on les appelle les noirs talents. C'est déjà pas la même en relation maître-esclave qui se noue. Et puis certains maîtres aussi, Bruno Maillard, estiment aussi que c'est une force de travail, c'est-à-dire si on maltraite ces esclaves, voire on les tue, ça devient pas très rentable. Cette plantation. C'est important de le préciser que déjà les maîtres, la législation a toujours interdit aux maîtres de tuer son esclave. D'ailleurs, c'est important de souligner que les codes noirs en France, la législation qui s'impose dès le XVIIe siècle, limite, j'y mets des guillemets encore une fois, mais limite les prérogatives du maître sur son esclave. Et les maîtres ont toujours rejeté le code noir. C'est systématique, c'est-à-dire le code noir, c'est-à-dire les fameux édits qui ont été renforcés de différents règlements et jurisprudences locales. Les maîtres, ce qu'ils souhaitent... Mais qu'est-ce qu'une législation qui n'est pas appliquée? Oui, vous avez raison, mais ce qu'ils souhaitent quand même, et le problème c'est qu'on leur envoie très régulièrement. Prenons un exemple aujourd'hui, le code de la route n'est pas moins respecté par les Français, compte tenu du nombre d'excès et d'accidents qui existent. Il n'empêche que régulièrement, ils le contestent quand même. Ouais, Caroline Damastide, un des arguments qui était avancé tout à l'heure par Bruno Maillard, c'est un argument que vous retrouvez dans les archives de la part des propriétaires, des planteurs qui disent tout compte fait... Allez voir en France comment ça se passe ou dans les fabriques américaines ou anglaises comment se passe le sort des ouvriers qui meurent sur des grabats dans un état sanitaire déplorable, et vous me direz si nous traitons moins bien nos esclaves que les industriels européens traitent leurs ouvriers. En l'occurrence, c'était un argument qui était souvent avancé pour pouvoir défendre la cause de l'esclavage dans les journaux qui la plaidaient. Oui, il est constamment avancé, et même avec un argument qui est assez particulier, c'est que, en quelque sorte, l'esclave aurait la sécurité de l'emploi, il serait nourri à vie, alors que le prolétaire, lui, le journalier, devrait chercher son travail tous les jours et donc serait jeté à la rue régulièrement et pourrait mourir de faim. Donc il y a cette idée qui est constamment défendue. Maintenant, il faut quand même dire, même si je suis tout à fait d'accord avec Bruno sur le fait que la condition du prolétariat a été extrême, et même d'ailleurs après l'abolition de l'esclavage, et même des femmes, tout à l'heure je parlais des femmes, je lisais un livre récemment sur l'histoire du viol où On voit que les ouvrières, par exemple, étaient soumises à une exploitation sexuelle dans les usines, dans les fabriques au XIXe siècle, de façon, et même au début du XXe encore, de façon extrême. Bon, mais malgré tout, la violence physique extrême, comme les esclaves l'ont subi, et aussi le fait qu'ils sont la propriété, qu'ils ne peuvent pas partir, est quand même un statut très particulier. Alors, vous évoquiez tout à l'heure, Bruno Maillard, les moments où les esclaves peuvent, disons, gagner un peu de temps pour eux. Un exemple, le 25 juin 1823, un certain fortuné, malgache, noir de pioche, âgé de 35 ans, esclave de Marcelin, homme libre de couleur, qui habite à Saint-Denis-de-la-Réunion, donc témoigne devant la justice de ce qui lui est arrivé, Daniel Königsberg. Quel est votre nom, votre âge, votre caste, votre profession et à qui appartenez-vous ? Je m'appelle Fortuné, j'ai environ 35 ans, je suis malgache et noir de pioche. J'appartiens à Monsieur Marcelin Libre. Y a-t-il eu dans la nuit de samedi à dimanche un bal dans votre case ? Non, monsieur, mais seulement un petit badinage. Je jouais du bobre et quelques noirs sont passés comme ça même. Quels étaient ces noirs ? Il y avait Sidonie, esclave du sieur du Corail, scolastique, servante de Marie-Catherine, Daniel et Vénus, appartenant à M. Casimir Klein, et Wilfried, du sieur Renaud. Il n'y avait pas d'autres personnes que celles-là ? Non, monsieur. Il s'en est présenté beaucoup d'autres, mais je les ai renvoyées. Connaissez-vous les noms de ces personnes ? Non, monsieur. Organisez-vous souvent des divertissements dans votre case ? Seulement quand mon maître me l'autorise. Votre maître a-t-il informé le maire ? Je ne sais pas. À quelle heure a fini votre divertissement de samedi dernier ? Quand mon maître est venu me l'ordonner, il était un peu plus de minuit. Les cinq personnes qui étaient chez vous sont-elles sorties ensemble ? Oui, monsieur, personne n'est resté dans ma case. Ne savez-vous pas les personnes qui ont assassiné Wilfried le dimanche matin ? Non, monsieur. J'ai entendu dire qu'il avait reçu des coups de couteau, mais je ne sais pas par qui. Voilà, nous sommes à La Réunion avec vous, Bruno Maillard, et cette archive date de 1823. Alors, on a des prénoms tout de même, Fortuné, Sidonie, Scolastique, Daniel, Vénus, Wilfried, qui sera donc l'objet de ce procès, donc de cet interrogatoire, puisque c'est lui qui est mort en ce samedi soir, donc après les festivités très calmes, visiblement, qui ont eu lieu dans le logis de Fortuné. Oui, alors cette source est extrêmement riche pour l'historien qui veut construire une histoire sociale des esclaves, dans le sens où là, il faut sortir immédiatement du crime par lui-même. C'est pas sur le crime, c'est pas le crime qui m'a intéressé, c'est le discours qu'il y a autour de ce crime qui met en évidence plusieurs choses. D'une part, l'appropriation d'un territoire. C'est-à-dire que les esclaves, en dehors des heures de travail, dans la journée, eh bien, ils se retrouvent tous ensemble sur ce qu'on appelle le camp des Noirs. Sur les habitations, vous avez un espace qui est réservé exclusivement aux esclaves. Et ce camp des Noirs, les esclaves se l'ont approprié. C'est un espace souvent où vous avez plusieurs cases avec les petits jardins attenants sur lesquels ils cultivent un certain nombre de produits, un maraîcher pour compléter leur alimentation ou revendre les surplus dans les villes. On voit aussi ici ce cabaret, puisque c'est comme ça qu'on dit en créole, ce cabaret, musique et la parole, qui est alors toléré par la puissance publique, puisque théoriquement le maire doit informer, le propriétaire doit informer le maire que son esclave ou ses esclaves vont organiser un bal sur sa propriété. Parce qu'il y a réunion. Oui, exactement. Les attroupements sont rigoureusement interdits. Ça, c'est le code. Alors, les codes noirs interdisent tous les attroupements d'esclaves parce que attroupement dit discussion, dit peut-être complot et pourquoi pas révolte et insurrection. Bon. Et ce bal a été organisé donc sur la propriété de ce maître, qui a priori ne s'est pas soucié outre mesure d'informer les autorités moins publiques. Deuxième élément, ce qui est intéressant dans cette source, c'est l'appropriation d'un certain nombre d'objets. C'est une des rares sources où on entend un esclave dire qu'il joue du bobre. Alors le bobre, c'est l'instrument type de ce qu'on appelle le maloyam d'aujourd'hui, une musique traditionnelle marignonnaise, qu'on appelait à l'époque le tchega ou le sega. Et ce que l'iconographie nous montrait, parce qu'on a quelques iconographies de l'époque, eh bien là, c'est la source qui nous prouve. Et enfin, ce qui est intéressant dans cette source, c'est le tissu de relations sociales que ces esclaves nous. Ça, c'est fondamental, puisque cette affaire est intéressante. Il y a eu près de 23 dépositions de témoins et d'interrogatoires, montrent que non seulement il y a des esclaves de l'habitation qui sont venus à Sokabar, mais il y a aussi des esclaves de d'autres habitations, et plus intéressant encore. Il y a des hommes libres de couleur et même des blancs, j'y mets des guillemets bien entendu, qui sont venus à ce cabas. Ce qui prouve que les esclaves tissent des réseaux de relations bien plus importants que ceux qu'on voudrait les limiter, ceux à qui on voudrait limiter leur tissu de relations aux esclaves de l'habitation. Et ce tissu est beaucoup plus large qu'on ne le pense. Et puis que ça circule. Même s'il y a des frontières, alors symboliques, pas symboliques des habitations, mais qu'en fait on les traverse, ces frontières, pour aller rejoindre ses amis ou sa famille. Complètement, et ça aussi ce que nous apprennent les sources moins judiciaires, théoriquement un esclave ne doit pas quitter l'habitation sans l'autorisation de son maître, et muni d'un billet. Ça, c'est une réglementation qu'on trouve quasiment dans toutes les îles. C'est-à-dire que l'esclave, lorsqu'il se déplace, doit avoir un billet de son maître qui lui dit « Tu peux aller, acheter quelque chose en ville et revenir. » On s'aperçoit qu'au bon, ce système de billets n'est absolument pas moins respecté par l'esclave et qu'il circule bien au-delà et bien plus souvent que le maître ne les autorise. Caroline Houdin-Bastide, vous disiez tout à l'heure, en ouverture de cette émission consacrée donc à ces paroles d'esclaves, que les documents étaient là et que pendant longtemps les historiens ne les ont pas vus. C'est ce que nous explique généralement Arlette Farge ou d'autres. Ces documents sont là et il faut avoir un nouveau regard pour pouvoir les voir. Mais ce que vient de décrire à l'instant même Bruno Maillard, les archéologues viennent au secours aussi de l'historien. On sait par exemple que dans beaucoup d'endroits où il y a eu des plantations, on va fouiller maintenant les quartiers dont parlait Bruno Maillard, que ça soit aux États-Unis, aux Antilles ou même à La Réunion, pour pouvoir voir les traces matérielles de l'installation des maisons, la façon dont elles étaient composées, et pour augmenter le savoir, qui est assez maigre, pourrait-on dire, que l'on a sur la vie quotidienne de ces esclaves dans les plantations, Caroline Houdin. Oui, y compris sur leur état de santé, puisque des travaux d'archéologues dans un cimetière d'esclaves au Moule a permis, à partir de l'étude des squelettes, de conclure que quasiment la totalité des esclaves était probablement tuberculeux. Ça nous fournit des indications que nous n'avions pas là pour le coup. On savait que l'état de santé des esclaves était très mauvais, qu'il y avait de nombreuses épidémies, que souvent d'ailleurs les maîtres dénonçaient comme des empoisonnements en série. Là, on a des données factuelles. Des données factuelles. Bruno Maillard sur ce point. Oui, c'est l'archéologie, la paléontologie, ce sont des sciences complémentaires. Alors effectivement, il y a des chantiers de sources, je prends les cas de l'océan Indien par exemple, les fouilles de Tromelin, ces captifs qui ont été abandonnés sur ce petit îlot par des traitants de l'île Maurice en provenance de Madagascar, nous ont appris aussi un certain nombre de choses. Je pensais aussi à l'université de Caroline du Nord qui travaille sur ces esclaves qui se regroupaient dans un marais et ils ont réussi à reconstituer un village, le village de ces esclaves, puisqu'a priori, la puissance publique et les maîtres ne voulaient pas s'y rendre, et donc ils ont permis à ces esclaves de se développer. Il n'empêche qu'il y a encore beaucoup d'archives à consulter, à consulter, bien sûr, et qui ont énormément de choses à nous apprendre. Et des archives, qu'il faut aussi relire, comme vous disiez, les historiens à certaines époques ne lisent pas les archives comme nous les lisons aujourd'hui. Ça s'appelle la fabrique de l'histoire. Voilà, et effectivement, nous aujourd'hui, on regarde peut-être ces archives autrement. Une autre archive, justement, le 3 janvier 1834, un interrogatoire du dénommé Élie Créole, domestique, âgé de 35 ans, esclave de la cure de Saint-Paul. On est toujours à La Réunion, en l'occurrence avec vous, Bruno Maillard, Daniel Königsberg. Quel est votre nom, votre âge, votre caste, votre profession et à qui appartenez-vous ? Je m'appelle Élie, j'ai 35 ans, je suis créole et charpentier, j'appartiens à la cure de Saint-Paul. Depuis quelle époque êtes-vous marron ? Depuis au moins 3 mois. Où vous trouviez-vous lorsque les gardes de police ont arrêté vos complices, Charles et Edmond, à la caverne ? Le matin, j'avais été prendre un bain à la mer. L'après-midi, au moment où j'allais me rendre à la caverne, j'aperçus au loin les gardes de police. Je me suis aussitôt enfui. Où vous êtes-vous rendu ? Le même jour, j'allais sur l'établissement de la dame veuve Ross. Je reçus asile du noir Alexandre, que je connaissais depuis longtemps. Je couchai dans sa case, et le lendemain, lui ayant dit que je voulais aller voir mon frère sur la partie du vent, mais que je craignais d'être arrêté car je n'avais pas de billet. Il me dit « Je connais un homme de complaisance qui va vous rendre ce service. » Il appela, dans le même moment, un jeune noir nommé Pierre-Louis et l'invita à aller chercher un nommé Lavigne en lui priant de ramener une plume, du papier et de l'encre. Un moment après, cet homme arriva, je l'informai de mon projet et il me demanda comment il voulait que mon billet fût fait. Il me délivra un permis pour 9 jours. « Le sieur Lavigne savait-il que vous étiez marron ?»« Non, je ne lui ai pas dit. »« Quelles étaient les personnes présentes lorsqu'il vous a rédigé ce billet ?»« Alexandre et Pierre-Louis. »« Quel usage avez-vous fait de ce billet ?»« Je me mis aussitôt en route pour Saint-Denis, puis vers les Hauts de Sainte-Marie, où est mon frère Nicolas sur l'habitation du sieur Sullivan. »« Ce dernier, auquel j'allais souhaiter le bonjour, me demanda mon billet. » J'exhibai celui que m'avait rédigé le sieur Lavigne. Le sieur Sullivan, voyant que j'étais en règle, me dit que je pouvais rester dans la case de mon frère. Pendant 9 jours, qu'avez-vous fait dans cet établissement ? Mon frère m'ayant dit qu'il était chargé de construire un four sur l'habitation d'Henri Gresland, il me pria de lui donner un coup de main pendant mon séjour près de lui. Je consentis à sa demande et alla travailler pendant 7 jours chez cet habitant. Je retournai ensuite chez Alexandre à Saint-Paul. Je lui dis que mon billet était expiré et qu'il m'en fallait un autre pour retourner voir mon frère que j'avais trouvé fort malade. Le sieur Lavigne me signait un autre passeport et précisa même les motifs qui me rappelaient dans la partie du vent. La première fois, vous aviez pu tromper le sieur Lavigne, mais la seconde demande aurait pu lui faire penser que vous étiez marron. Cet homme sentait sans doute que j'étais marron, mais je ne lui ai rien dit. Qu'avez-vous fait de ce second billet ? Je suis retourné sur la partie du vent et j'ai encore travaillé chez le sieur Gresland. Le sieur Gresland a dû être étonné de vous revoir. Lui ayant présenté un nouveau billet, il ne m'a rien dit. Ça, c'est un dialogue de 1834 dans un interrogatoire. On pourrait se trouver chez Victor Hugo avec Jean Valjean ou chez Vidocq, c'est-à-dire que c'est la même époque. On est effectivement dans ce jeu de chat et de souris entre un fuyard et ceux qui le poursuivent. Oui, alors c'est un bon exemple, ce Élie, de l'évolution du marronnage. À La Réunion, le marronnage au XVIIe, XVIIIe siècle, c'était un marronnage des hauts. On va à l'intérieur, moins des cires, dans les montagnes. Et puis le marronnage... Rappelons que le marronnage, pour ceux qui ne évolue pas, au XIXe siècle. Ce sont ceux qui quittent les voilà, exploitations. Voilà, oui, ce sont des esclaves donc qui fuient. Moins l'habitation, et qui sont pourchassés par des mercenaires, tout simplement ce qu'on appelle des capteurs moins d'esclaves. Ce sont des personnes qui sont payées et rémunérées contre les esclaves qui ramènent, le cas échéant mort. Et ce qu'on leur demandait généralement, c'est de ramener une main, couper une main de l'esclave. Bon. Là, on est au 19e siècle et le marronnage a évolué, où c'est un marronnage plutôt de proximité, moins d'habitation, et surtout, ce que j'ai constaté, un marronnage de ville. Il y a des ville qui se développe à l'île de la Réunion, et les esclaves vont se réfugier dans les villes. Et dans le même temps, vous dites aussi, Bruno Maillard, que certains planteurs emploient des marrons, en le sachant pertinemment qu'ils sont marrons. Donc oui. Il y a une sorte de, comme ça, de mais c'est un, une c'est dynamique un bon sociale exemple. Complètement oui. Ambiguë et assez. Oui, puisque là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a énormément de choses dans cet interrogatoire. C'est d'une part, il se fait faire un faux billet par un petit blanc du nom de Lavigne, puisqu'il y a des personnes qui se sont spécialisées dans l'écriture de faux billets, parfois même des esclaves qui savent écrire. Qui savent écrire, puisque ces billets ne sont pas des documents officiels, ce sont juste des mots. Le maître dit voilà, je sous-signé, autorise mon esclave à me déplacer de telle ville à telle ville, de tel jour à tel jour. Il se fait faire un faux billet, il fait quand même près de 50 km pour se rendre de Saint-Paul jusqu'à Sainte-Marie, et là, bien évidemment, le maître de son frère qui l'accueille pour la construction de ce hangar, c'est pertinemment que Élie est marron, qui donne une autorisation de 15 jours à son esclave pour se rendre voir son frère, même à l'île de la Réunion. Et effectivement, là, on a un autre phénomène très intéressant. Pendant une période de pénurie d'esclaves, c'est ce qu'on appelle le recel d'esclaves. Ouais. Certains maîtres emploie illégalement des marrons sur leur habitation. Caroline Oudamastide, ça dit, et vous avez traditionnellement multiplié la recherche de ces archives, qu'on a encore beaucoup de travaux. Vous en avez d'autres que le procès Gosset et Vivier à venir, que vous avez exploré, dont vous vous dites que ça vaudrait le coup de les porter à la connaissance d'un public plus large? Oui, enfin, il y a énormément de procès qui ont été, énormément. Il y a beaucoup de procès qui ont été publiés, donc ça suffit. Quand j'ai fait le choix, j'avais quand même l'embarras du choix, et ça a même été un choix un peu difficile pour moi. J'ai préféré offrir la publication des procès entiers, enfin pas tout à fait entiers d'ailleurs, mais enfin. Que des bribes. Morceaux, que des bribes, parce que je trouvais que ça avait l'intérêt de présenter une histoire aussi. Dans sa complexité. Oui, au lecteur. Mais il y a encore énormément de sources. Manque de sources. J'ai trouvé, ce qui est rare d'ailleurs, une lettre d'esclave que j'ai publiée dans l'ouvrage collectif sur la voix d'esclave. C'est vrai qu'on peut espérer aussi trouver d'autres documents de ce type. Et pourquoi pas, comme le disait Bruno, nous l'espérons tous. Quand je souriais, c'était pas que je pensais que c'était impossible, c'est que c'est l'espoir. Nous avons tous cet espoir de tomber un jour sur un journal, sur... Une autobiographie. Merci beaucoup, Caroline Oudamastide. Je rappelle que parmi d'autres livres, vous avez publié donc Maître accusé, esclave accusateur. C'est aux presses universitaires de Rouen et du Havre. Et pour votre part, eh bien Bruno Maillard, avec Frédéric Réjean et Gilles Dagonfier, vous avez publié Libre et sans faire, Paroles d'esclaves français, dans la collection Histoire de chez Fayard. Merci à Daniel Königsberg qui a bien voulu lire les textes de ce jour. Et demain, nous nous retrouvons pour la dernière émission de notre série, Séverine Yatar. Nous parlerons de... Et on va essayer de débattre encore de ces problématiques sur l'histoire des anonymes, l'histoire des vies singulières, ordinaires, et quelles sont les sources, comment les traiter. Avec Philippe Artière, Michel Zancarini-Fournel et Jacques-Olivier Boudon. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Francesca Fossati et Aurélie Marcet. Aujourd'hui, eh bien, Jacques Hubert nous a accompagnés à la technique et Séverine Cassard à la réalisation. Vous pouvez écouter ou réécouter cette émission sur le site internet de France Culture, la télécharger bien sûr sur ce site, ou encore nous suivre et discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire, ou sur le réseau Twitter. L'adresse Twitter de la Fabrique, c'est Fabrique FC.